mais m'a gâté. Reste Caprinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le Prado, shifter pro. Contresens, ma chérie tu as contresens. Putain où t'étais quand je mettais des 5 euros d'essence. Je vais lui faire la guerre, par un dieu CB. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la kéo. C'est Marseille bébé, ça m'est rassé bébé. Wesh alors ma race, tranquille ou quoi. Crème dans la chop, je fais 0 à 100, 233. Guitarisé, ACDC, on se croit c'est sûr que tétanisé. C'est la blague à Chiquita, 2 mois après je l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, je suis un abat, je suis un jackité. Je suis le capitaine, je vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 au G-Sport, je passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne pierre, nique tes morts sur le vieux port. Niamol, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne pierre, nique tes morts sur le vieux port. Sur la tente, on casse sur un scooter quitté. Oublie la scène, tout à l'heure t'as quitté. Je suis ailleurs, c'est de la moulade, j'ai frité. Depuis tout à l'heure que ça me nique mon piqué. Rafale, flow, bazooka, j'ai des potes qui déplacent au chaos. La moto, elle fait brem, brem, brem, brem. Toujours la demande à Jiko. J'suis dans le game en claquette sur bête. J'fuck que les folles qui portent de moi sur net. J'suis sous potion, la j'tourne de 3 sur le pète. Au fait, on grimpe, envoie les zéros sur le check. Toquez pas ça, à la cabeza. Gratata, tous les mappés ça. Toquez pas ça, à la cabeza. Gratata, tous les mappés ça. Plus besoin d'aller chez Lacoste. Depuis que je fais d'oreille platine. Et sur Twitter, je vois leur post. Nique leur mère, qui parle mal de la team. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant. Hasta luego, faisant. Hasta luego. Hasta luego. C'est du 24 carats. Je rappe depuis l'époque de Cara. La technique, le flow de malade. Artistiquement, on se balade. Thématique en Cara. Recherché à Keshmara. Je m'envoie une frappe imparable. Je fais couler son mascara. Le J c'est le S, genre le RS, une la CPS, elle est belle et qu'elle m'a fait S. Le J c'est le S, genre le RS, une la CPS, elle est belle et qu'elle m'a fait S. Yo c'est ton baratin, t'es qu'un fils de baratin. J'commence le rap avec 7 et 3, à la rivière j'ai touché la quinte. Yo j'vise l'or le platine, à la base c'était les assises. J'suis un peu de Zampa, un peu de Zizou, j'suis un Ricard à Poujain. Les trafiquants dans le bâtiment cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département. Le soir plus de froid c'est ta gold et ça fait Zumba. Caféo, caféo, carnaval, j'suis dans le 4-4 TNT. Pisté par la banale et ça fait Zumba. Caféo, caféo, carnaval, j'suis dans le 4-4 TNT. Pisté par la banale. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant. Hasta luego, faisant. Hasta luego. Hasta luego. Légal, illégal, alpha, omega. On fait coup d'état. Malgré la tête c'est la cuenta. Poursuite à les bleus. Serais sortable. Terre qui dans logistique. Par terre qui sont balistiques. Adieu Tchouja, c'est une salvatrouja. Trafic haram, Marseille on trouve des cadavres. Marseille, hala, plus d'âme les petits pas salades. Mili, je veux mili comme le prix. C'est fini à tout âge, j'ai fini. Ya, yeah, on ira l'ami ennemi. Ya, yeah, on ira l'ennemi ami. Ya, yeah, j'ai les poches pleines, tu me suis. J'ai fait des calculs depuis le calcul et lui. Ya, yeah, comportement dans la zone. Ya, yeah, comporte avec les hommes. Ya, yeah, garde ta pêche, moi j'ai la forme. Forme, tes mini te déforme. Car c'est trop vrai, t'as le regard, ils font mauvais. Quand je galère, toi t'es refait. Oli, t'es mauvais, ta gadji, on la connaît. Au parloir, elle a tourné. Cogné par des prisonniers. Tu dois des sous, sous, sous. Tu fais la malade, elle est boum, boum, boum. Pour de la monnaie, on te clic, clic, boum. La fond, la glou, glou, glou. Tu dois des sous, sous, sous. Tu fais la malade, dans les boum, boum, boum. Pour de la monnaie, on te clic, clic, boum. L'alcool, on la glou, glou, glou. Wesh. Tu veux pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche? Je suis dans la zone, j'évite les putains, wesh. Moi j'écoute pas les gens, et ma Clio elle est sur les jambes. Je fais que fumer le zone, des fois avec un peu de Marie-Jeanne. Hier j'étais bleu, je voulais un Porsche, j'étais bleu. Y'avait le pain, on était plein, y'avait pas un, on était deux. Je suis dans le bloc, ma biche, dans la zone c'est chacun sa quiche. Y'a eu des traîtres, des traîtres, des traîtres, nique sa mère c'est rien, mais à liche. Au quartier y'a de la vente, la nouvelle pêche paye en espèces. Fait belle être, y'a les gens, ils sont loin, c'est bon des stress. C'est tout pour la plata, autour de flammes, tout marmata. mon équipe sur le champ des ratatas.